إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc là on a terminé en fait les principes de la prière et on commence maintenant en ce qui concerne les prières surérogatoires ou bien qui sont pas obligatoires. Ça c'est aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est le cours numéro 19 dans la série des cours de Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Donc on continue, on s'est arrêté la semaine passée, on n'avait pas de cours parce que c'était Al-Aïd, donc j'ai voulu donner un répit à tout le monde. Donc Alhamdulillah Rabbil Alamin, comme ça si vous avez eu le temps de célébrer avec vos familles, vos amis. Et donc on continue donc Inch'Allah aujourd'hui. Le Cheikh il dit Babun fi salat et tatawwu', c'est-à-dire un chapitre au sujet de la prière, des prières qui sont surérogatoires ou bien qui sont pas obligatoires, c'est-à-dire volontaires. Cheikh il dit I'lamu أن ربكم سبحانه وتعالى شرع لكم بجانب فرائض الصلاة بجانب فرائض الصلوات التقرب إليه بنوافل الصلوات فالتطوع بالصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التقرب إلى ربه بنوافل الصلوات وقال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا واعملوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. Donc le cheikh il dit sachez que votre Seigneur vous a légiféré à côté des prières obligatoires qu'on doit faire, des prières supplémentaires ou bien surérogatoires qu'on peut faire pour se rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le hadith très célèbre qui dit man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya min ma aftaradtuhu 'alayhi فإذا وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته إلى آخره. Donc le hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que celui qui s'oppose ou qui prend en animosité un des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui déclarer la guerre. Et il dit que aucun des serviteurs ne peut se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala par quelque chose de plus aimé, par quelque chose qu'Allah aime plus que par les choses qu'il a ordonnées ou commandées de faire parmi les obligations. Et ensuite le hadith dit et mon serviteur continuera à se rapprocher de moi par ces prières qui sont pas obligatoires, c'est-à-dire par les prières surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime. Là, il y a la suite du hadith par la suite. Et donc, ça nous montre que il y a les prières obligatoires qui sont les choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus. Et plus quelqu'un fait des prières en dehors de qu'est-ce qui est obligatoire, et bien plus la personne sera aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ce que le principe de, dans les paroles du Cheikh était en fait inspiré de ce hadith. Et puis il dit ensuite de faire des prières surérogatoires, ça fait partie des plus grandes formes d'adoration qui nous rapproche à Allah subhanahu wa ta'ala, après le jihad fi sabilillah et après la quête de la science. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ça constamment, c'est-à-dire il se rapprochait constamment de son Seigneur par des prières volontaires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit nous a commandé de nous mettre droit et d'agir, et il nous a dit que les meilleures de nos actions sont la salat. Donc c'est-à-dire, sachez que la meilleure des actions que vous pouvez faire, c'est la salat. Donc ça c'est rapporté par Ibn Majah et Ahmad et Al-Hakim, et il est authentifié par Al-Hakim et Al-Dhahabi également. Et l'imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, il a également déclaré ce hadith comme étant sahih dans Sahih Al-Jami', le hadith numéro 952. Ensuite, le Cheikh dit: Was-salatu tajma'u anwa'an min al-ibadati kal-qira'ati wal-ruku'i wal-sujudi wal-du'a'i wal-dhulli wal-khudu'i wa munajati al-Rabbi subhanahu wa ta'ala wal-takbir wal-tasbih wal-salati ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit que la prière, elle rassemble plusieurs formes d'adoration, comme la lecture du Coran, le fait de faire le recours, de se prosterner, de faire des invocations. Il y a dedans une forme d'humilité et de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala, et également d'invoquer et d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala en secret, et également le fait que on fait le takbir, c'est-à-dire qu'on fait le takbir, on déclare que rien n'est plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que tout. Et at-tasbih, c'est-à-dire tu glorifies Allah subhanahu wa ta'ala et tu le louanges. Et également il y a dedans le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça englobe toutes sortes de formes d'adoration qui sont vraiment importantes. Et donc le cheikh il commence et il explique en disant il explique ce qui suit: salawat at-tatawwu ala naw'ayn. النوع الأول صلوات مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المقيدة، والنوع الثاني صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المطلقة. Donc le chef ici il dit que les prières surérogatoires sont de deux catégories. La première catégorie c'est des salawat surérogatoires, c'est des prières surérogatoires qui sont limitées par un temps spécifique. On les appelle les nawafil limités, ou disons parce que il y a un temps spécifique pour les faire. La sharia, c'est-à-dire les preuves du Coran et de la Sunna, ont déterminé pour ces prières-là des temps spécifiques dans la journée. Tandis que il y a une deuxième catégorie de prières surérogatoires qui sont, libres, qui ne sont pas limitées par un temps spécifique, et on les appelle donc les nawafil, libres, tu peux les faire n'importe quand. Et le cheikh dit: وَالنَّوْعُ الْأَوَّلْ أَنْوَعٌ مُتَعَدِّدَةٌ وَبَعْدُهَا آكِدٌ مِنْ بَعْدٍ وَآكِدُ أَنْوَعِهِ صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَصَلَاةُ الْإِسْتِسْقَاءِ وصلاة التراويح وصلاة الوتر وكل من هذه الصلوات سيأتي عنه حديث خاص إن شاء الله. Donc le cheikh il dit que la première catégorie des prières surérogatoires qu'on a mentionné, certaines d'entre ces prières là qui sont des prières qui sont spécifiques et limitées par certains moments ou certaines occasions spécifiques, eh bien certaines sont plus disons importantes que d'autres, ou c'est-à-dire akad, c'est-à-dire comme on dit, il y a des sunan qui sont muakkada, c'est-à-dire qui sont confirmées puis établies du fait qu'elles ont toujours été appliquées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc certaines sont bien entendu plus importantes que d'autres, tandis que yani, et il mentionne quelques exemples de ça, comme par exemple Salatul Kusuf, les prières, comme par exemple lorsqu'il y a une éclipse, que ce soit une éclipse de lune ou de soleil, ou bien quand il y a par exemple une prière pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire descendre la pluie, on appelle ça al-istisqa, et également lorsqu'on fait par exemple la prière de Tarawih ou bien la prière de Witr, tout ça c'est des genre, c'est des catégories de nawafil qui sont muqayyada, c'est-à-dire elles sont limitées par certaines occasions ou certains moments de la journée ou certaines occasions qui n'arrivent pas tous les jours, mais qui sont, yani, disons, spécifiques. Donc ça c'est des exemples de ces prières là qui sont, et le cheikh il dit que chacune de ces genres de prières là qui sont dans cette première catégorie, on va en parler de façon détaillée, yani, disons on va leur attribuer une clarification ou une explication plus détaillée à chacune d'entre elles, inshallah. Donc le cheikh il commence en fait en parlant du witr. Hein, c'est ça qu'on va lire aujourd'hui, c'est le sujet du witr. Il dit babun fi salati al-witri wa ahkamihima, c'est-à-dire un chapitre au sujet de la prière de witr et de ses règles. Cheikh il dit wal nabda al-an bil hadith an salati al-witr li ahammiyatihi faqad qila innahu akid at-tatawwu' wa dhahaba ba'd al-ulama ila wujubihi وما اختلف في وجوبه فهو آكد من غيره مما لم يختلف في عدم وجوبه. Donc le cheikh il dit, on va commencer par la parole au sujet de la salat de witr, hein, et witr, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire impair, hein, impair. On va l'expliquer encore plus en détail avec des hadiths et des explications plus détaillées des ulama. Et donc, c'est parce que à la fin de notre journée, hein, on complète notre journée en faisant une prière, une unité de une raka, disons impair, une raka. Et puis, c'est ça qu'on appelle witr. Et yani, c'est une des sunnas les plus importantes parmi les prières surérogatoires. Et même certains parmi les ulama ont même déclaré que c'était obligatoire de le faire. Toutefois, il n'y a pas vraiment eu de grandes différences d'opinion à ce sujet-là, parce qu'ils sont presque tous d'accord pour dire que c'est pas obligatoire. Il n'y a pas vraiment de preuves, il n'y a pas de preuves pour dire que c'est obligatoire. Toutefois, yani, c'est clair que c'est une des sunnas ou une des tatawwu' qui sont les plus importantes. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas l'habitude de la laisser, ni en voyage, ni quand il était en ville, yani dans Al-Madina ou bien ailleurs, c'est-à-dire lorsqu'il était yani chez lui, lorsqu'il n'était pas en voyage, il la faisait, et lorsqu'il était en voyage, il la faisait également. Donc il ne la laissait jamais. Et le cheikh il dit, même si elle n'est pas obligatoire, hein, ben on peut dire que quand même c'est une des choses, une des sunnahs les plus importantes. Et il dit اتفق المسلمون على شرعية الوتر. Les musulmans sont tous d'accord pour dire que c'est quelque chose qui fait partie de la sharia de faire le witr. فلا ينبغي تركه ومن أصر على تركه فإن ترد شهادته. Le cheikh il dit que il ne faut donc pas l'abandonner, et celui qui persiste à ne pas la faire, eh ben son témoignage ne sera plus accepté, hein. C'est-à-dire on considère que, ou bien certains ulama considèrent que celui qui ne fait pas le witr, eh ben ça lui fait perdre sa légitimité en tant que témoin, Hein, il ne peut plus être considéré comme étant un témoin fiable. Et le cheikh, il dit que l'imam Ahmad a dit « Man taraka al-witra amdan fa huwa rajulun su' la yanbaghi an tuqbal shahadatuhu » Donc ça c'est rapporté par l'imam Ibn Taymiyyah. En réalité, dans Majmou' al-Fatawa, il cite ces paroles-là de l'imam Ahmad, qui disent que l'imam Ahmad a dit « Celui qui abandonne le witr intentionnellement, alors c'est un homme mauvais et on ne doit pas accepter son témoignage. » Donc ça veut dire que si, par exemple, on demande ou on appelle cette personne pour témoigner à la cour, on ne peut pas accepter son témoignage, comme on ne peut pas prendre cette personne comme étant une personne fiable. Hein? Donc imaginez, subhanallah, celui qui ne fait pas la prière du tout. Hein? Si c'est le cas pour quelqu'un qui abandonne le witr, imaginez pour celui qui ne fait pas la salat, Allah musta'an. Donc le cheikh il dit « Rawa Ahmadun wa Abu Dawood marfou'an man lam yutir falaysa minna » Donc le cheikh il dit quoi? Il dit que l'imam Ahmad et Abu Dawood ont rapporté en attribuant ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur a dit, celui qui ne fait pas le witr, il n'est pas de nous, ou n'est pas l'un des nôtres. Toutefois, yani, c'est un hadith daif, et ceux qui veulent vérifier peuvent retourner au livre du Cheikh Nasruddin al-Albani, Irwa al-Ghalil, le hadith numéro 417. Yani, le Cheikh il mentionne que le hadith est daif dans ce livre-là. Ensuite, donc qu'est-ce que ça veut dire ce hadith? Oh, je l'ai traduit déjà. Donc c'est ça, il est daif. Et le cheikh dit wal witr ismun lirak'a al-munfasila amma qablaha wa lil-thalath rak'at wa lil-khams wa lil-sab' wa tis'i wa li-ihda 'ashara idha kanat hadhihi ar-rak'at muttasilatan bi salam wahid فإذا كانت هذه الركعات بسلامين فأكثر فالوتر اسم للركعة المنفصلة وحدها. Donc ici le cheikh donne une définition du witr, de la prière de witr. Il dit que le witr c'est la prière qui est séparée de celle qui est ou c'est la rak'a qui est séparée des autres rak'at qui étaient avant elle. Comme par exemple si la personne a prié 3 ou 5 ou 7 ou 9 ou 11 rak'a, eh ben si ces rak'at là étaient séparés par des taslim ou par des salam entre chaque deux rak'at, eh ben yani disons que ce sera celle qui était faite en dernier toute seule. Et si par exemple il ne les a pas séparés par des salam entre chaque deux, c'est-à-dire il a fait soit, comme on dit, soit 11 ou 9 ou 7 ou 5 ou 3 d'un seul coup, hein, et bien dans ce cas-là, celle qu'il fait en dernier, yani, c'est elle qui est considérée comme étant yani, le witr, et c'est celle qui est impaire, d'accord, en dernier. Parce que, comme on va voir bientôt, il y a plusieurs façons de faire le witr. On peut la faire toute seule, ou bien on peut la faire, yani, deux, deux, deux, deux, et puis on fait une toute seule, ou bien on peut faire comme trois d'un seul coup, ou bien on peut faire deux toutes seules, un, ou trois, cinq toutes seules, pas cinq, quatre toutes seules, puis une, ça fait cinq, etc. Donc, ou bien on peut les faire cinq d'un seul coup. Donc, il y a différentes manières de le faire. Ou bien on peut faire deux, deux, un. On va voir comme l'explication du cheikh, qu'est-ce qu'il va nous dire à ce sujet-là. Donc, il dit que وقت الوتر يبدأ بعد صلاة العشاء الآخر ويستمر إلى طلوع الفجر ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. Donc le cheikh il dit que le witr commence après la prière de Isha et il continue jusqu'à l'aube. OK, et ça c'est le cheikh il donne un hadith dans Al-Bukhari et Muslim qui est rapporté selon Aisha radiyallahu anha qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le witr dans différents moments de la nuit. C'est-à-dire, n'importe quand dans la nuit, il a fait le witr. Il l'a fait parfois au début de la nuit, et parfois il l'a fait au milieu de la nuit, et parfois il l'a fait à la fin de la nuit. Hein? Et le temps du witr termine avec as-sahar, c'est-à-dire avec l'aube. Ok? Et ça, c'est donc, comme on a dit, muttafaq alayh, rapporté par al-Bukhari, muslim. Et ça, c'est la version de muslim. Le Cheikh, il dit, وَقَدْ وَرَدَ الْأَحَادِيثِ أَوْ أَحَادِيثِ كَثِيرَةِ تدل على أن جميع الليل وقت للوتر إلا ما قبل صلاة العشاء. الشيخ dit que يعني il y a beaucoup de hadiths qui montrent que toute la nuit entière est on peut faire le witr dedans, sauf avant la prière de Isha. Donc c'est-à-dire si le temps de la prière de Isha est rentré, hein, que la nuit est commencée mais qu'on n'a pas fait la prière de Isha, on ne doit pas faire witr tant qu'on n'a pas fini la prière d'Isha, tant qu'on n'a pas fait l'Isha. Après, le Cheikh dit, فَمَنْ كَانَ يَثِقُ مِنْ قِيَامِهِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَتَأْخِيرُ الْوِتْرِ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ فِي حَقِّهِ. Donc, il dit que celui qui, par exemple, il a confiance, ou qu'il sent qu'il va être capable de se lever avant la fin de la nuit, dans ce cas-là, il peut retarder le witr jusqu'à la fin de la nuit, et ça c'est mieux. Le cheikh il dit que ça c'est qu'est-ce qui est le mieux. Ensuite il dit وَمَنْ كَانَ لَا يَثِقُ مِنْ قِيَامِهِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ يُوتِرُ قَبْلَ أَنْ يَنَامُ وَبِهَذَا أَوْصَى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّكُمْ خَافَ أَلَّا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ ثم ليرقد ومن وثق أو وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. Donc ça c'est rapporté par Muslim. Et le Cheikh dit donc que celui qui a confiance qu'il est capable de se lever à la fin de la nuit, c'est-à-dire il sait qu'il va pas passer tout droit, ben dans ce cas-là il fait le witr à la fin de la nuit. Mais s'il pense qu'il va passer tout droit, il ne sera pas capable de se réveiller avant la fin de la nuit, alors pour lui c'est préférable de faire le witr avant de dormir. Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité de faire. Et ça rapporté par Muslim dans un hadith selon Jabir radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'importe quel d'entre vous qui craint de ne pas se lever à la fin de la nuit, alors qu'il fasse le witr et qu'il se couche. Hein? Et celui donc qui a confiance qui sera capable de se lever à la fin de la nuit, alors qu'il fasse le witr à la fin de la nuit, parce que la lecture qu'on fait du Coran dans la prière durant la fin de la nuit, c'est-à-dire les anges sont présents à ce moment-là lorsqu'on récite. Et c'est donc meilleur dans ce cas-là d'attendre à la fin de la nuit. À cause disons, le fait que les anges sont présents pour écouter notre récitation. Et c'est dans ce sens-là, c'est mieux. Ensuite, le Cheikh il dit wa aqallu al-witr rak'atun wahida li wurud al-hadith fi dhalika wa thubutihi an 'ashratin min as-sahaba radiyallahu anhum. ولكن الافضل والاحسن ان تكون مسبوقه بشفع. Donc le cheikh il dit que le plus petit nombre de rak'a qu'on peut faire pour le witr c'est une seule rak'a. Et ça a été rapporté dans différents hadiths, et c'est rapporté par une dizaine de sahaba, parmi les sahaba qui ont dit que on pouvait faire le witr avec une seule rak'a. Toutefois le mieux c'est de précéder le witr par un nombre pair de rak'a. Et donc le cheikh il dit aktharu al-witr 11 rak'a aw 13 rak'atan yusalliha rak'atayn thumma rak'atan wahidatan yutiru biha liqawli Aisha radiyallahu anha kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam يصلي بالليل 11 ركعة ويوتر منها بواحدة رواه مسلم. Donc, le cheikh, il dit que le plus grand nombre pour faire le witr, c'est 11 raka'ah. Ou bien, il dit même 13 raka'ah. Il les prie deux par deux. Deux raka'ah par deux raka'ah. Et il prie à la fin une raka'ah toute seule pour faire son witr. Et il dit que Aïcha radiallahu anha, elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait la nuit 11 raka'ah et yani, c'est ça, il priait 11 raka'ah, puis la 11e c'était yani, le witr. Il priait une seule, une raka'ah à la fin, c'était le witr. Et ça c'est rapporté par Muslim. Et dans une autre narration, يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوْتِرُ بِوَاحِدَةً. C'est-à-dire que il faisait le taslim en chaque, après chaque deux raka'ah, et il faisait le witr avec une raka'ah à la fin. Et ça aussi c'est apporté par Muslim, cette version-là. Et le cheikh il dit وَلَهُ أَنْ يُسْرِدَهَا ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ الْعَاشِرَةِ وَيَتَشَهَّدُ وَلَا يُسَلِّمُ ثم يقوم ويأتي بالحادية عشرة ويتشهد ويسلم وله أن يسردها ولا يجلس إلا بعد الحادية عشرة ويتشهد ويسلم والصفة الأولى أفضل. Donc le cheikh il dit que يعني il peut s'il veut les faire tout ensemble, il fait toutes ces rak'at ensemble jusqu'à 10, et quand il arrive à 10 raka'ah, il fait le tashahud, puis il fait le taslim, puis il se lève, puis il fait la 11e, il fait le tashahud, puis il fait le taslim, puis c'est fini. Sinon il peut les faire tout d'un seul coup, hein, et yani, il s'assoit juste après la 11e et il fait le tashahud et il fait le taslim, mais il dit que la première description est meilleure. Après il dit وله أن يوتر بتسع ركعات يسردها ثمانيا ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم ثم يقوم فيأتي بالركعة التاسعة ويتشهد الأخير ويسلم. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit que quelqu'un peut faire le witr avec 9 rak'at, c'est-à-dire il fait 8 raka'ah d'un seul coup, puis il s'assoit après la 8e, il fait le premier tashahud et il ne fait pas le taslim, il se relève et il fait la 9e, et puis il fait le tashahud, le dernier tashahud, puis il fait le taslim. Donc c'est comme dans ça, c'est une autre description. Après il dit walahu an yutira bi sab'i raka'at aw khamsi raka'at ولا يسلم إلا في آخرها ويتشهد ويسلم. Donc le cheikh il dit que il peut également faire le witr par 7 raka'ah ou 5 raka'ah, et il s'assoit seulement à la fin, à la dernière, et il fait le tashahud et il fait le taslim. Ça c'est basé sur les paroles de سلمة. Il dit لقول سلمة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وخمس ولا يفصل بينهن بسلام ولا بكلام. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit que on peut faire le witr avec 7 rak'at, ou bien avec 5 rak'at, et on s'assoit uniquement à la dernière, et on fait le tashahud et on fait le taslim, comme j'ai dit déjà. Puis après il dit que ça c'est basé sur les paroles de Salama radiallahu anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, messager d'Allah, il faisait le witr avec 7 ou 5, ou avec 7 et 5, et il ne faisait pas de séparation entre elles, et il ne séparait ni par le salam ni par la parole. Kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yutiru bi sab'in وبخمس ولا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. Ça c'est rapporté par An-Nasa'i et Ibn Majah, et j'ai vérifié dans An-Nasa'i, et ça dit Cheikh Al-Albani a dit sahih l'isnad, donc la chaîne est authentique Et c'est mawquf, c'est-à-dire c'est une parole d'une sahabiya, c'est-à-dire d'une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une isnad qui est authentique. Après le cheikh il dit وَلَهُ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثِ رَكْعَةٍ يُصَلِّي رَكْعَتَيْن وَيُسَلِّم. Donc il dit que il peut faire le witr avec trois rak'at, il prie deux puis il fait le taslim, puis ensuite il fait une toute seule, yani. Et le cheikh il dit وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَقْرَ فِي الْأُولَى بِسَبِّحْ وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَالثَّالِثَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Donc le cheikh, je ne sais pas si j'ai lu, وَلَهُ أَنْ يُوتِرْ بِثَلَاثِ رَكْعَةٍ يُسَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَيُسَلِّمْ ثُمَّ يُسَلِّي الرَّكْعَةَ الثَّالِثَ وَحْدَهَا. Et ensuite il dit, et c'est recommandé de lire dans la première rak'a, si tu si t'en fais trois, tu commences par سبح اسم ربك الأعلى, et puis dans la deuxième tu dis قل يا أيها الكافرون, et dans la troisième tu dis, c'est-à-dire dans la dernière الوتر, tu dis قل هو الله أحد. وقد تبين مما مر أن لك أن توتر بإحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة أو تسعة ركعات وبتسع ركعات وبسبع ركعات وبخمس ركعات وبثلاث ركعات وبركعة واحدة, فأعلى الكمال إحدى عشرة وأدنى الكمال ثلاث ركعات والمجزئ ركعة واحدة. الشيخ الزي d'après ce qu'on a clarifié, on peut voir que yani, le witr il peut être fait par 11 ou 13, attends, salat, oui, c'est ça, il dit 13 ou 9 ou 7 ou 5 ou 3 ou une seule raka, c'est-à-dire t'as le choix. Puis il dit que par la suite le plus haut niveau de perfection c'est de faire 11, puis le plus bas niveau de perfection c'est de faire 3. Et qu'est-ce qui est le nécessaire, hein, qu'est-ce qu'il faut faire minimum, c'est une. Et le cheikh il dit ويستحب لك أن تقنط بعد الركوع في الوتر بأن تدعو الله سبحانه فترفع يديك وتقول اللهم اهدنا في من هديت إلى آخر الدعاء الوارد. Donc le cheikh il dit que c'est recommandé de faire le qunut après le witr en disant le dua, yani qu'on fait lorsque on a terminé. On fait le qunut, ça s'appelle le qunut, le dua du qunut. On lève les mains puis on fait le dua du qunut qui est Allahumma hadina fi man hadait, comme c'est rapporté dans le dua dans le hadith. Et ça c'est rapporté par الحسن بن علي سنو أبو داود الترمذي النسائي وابن ماجة إلى إثيوطانس في المشكو بار شيخ الألباني جلي في دان جلي في قيام رمضان. Donc ça y est pour la question de الوتر, on a terminé. Maintenant il y a un autre chapitre qui explique les règles du Tarawih. Donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il m'aide un petit peu là, parce que la fatigue est sur moi là, Allah musta'an. Mais quand même, on essaie, on continue. Ça dit باب في صلاة التراويح وأحكامهما. Ça dit ما شرعه نبي الهدى مما شرعه نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك صلاة التراويح وهي سنة مؤكدة سميت تراويح لأن الناس كانوا يستريحون فيها بين كل أربع ركعات لأنهم كانوا يطيلون الصلاة. Donc le cheikh il dit quoi, il dit que parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de la guidance, nous a légiféré, il y a la prière qu'on fait durant le Ramadan, le mois du Ramadan, qui s'appelle Salatul Tarawih. Et c'est une sunna mu'akkada, c'est-à-dire c'est une sunna qui est confirmée puis établie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a été appelée Tarawih parce que il y a une période c'est-à-dire entre chaque 4 rak'ah, on s'arrête pour se reposer un petit peu, et parce qu'on prolonge la récitation, puis qu'on fait ces prières-là très très longues, à cause de ça, yani, on l'appelle tarawih. Yani, parce que yastarihun, comme on dit, yastarihun, c'est-à-dire il se repose. Après, il dit le cheikh, « وَفِعْلُهَا جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلْ فَقَدْ صَلَّاهَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ فِي الْمَسْجِدِ لَيَالٍ » Donc, le cheikh, il dit que c'est préférable de la faire en groupe et dans la mosquée. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, l'ont fait dans la mosquée durant plusieurs nuits. Hein. Donc ça montre que, en fait, c'est une sunnah et non pas une bid'ah hasana, comme certains des gens de bid'ah essaient de présenter cet argument-là comme une preuve qu'il y a des bonnes innovations dans la religion. Et ça, c'est faux, puisque on voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait lui-même durant sa vie, avec les sahaba pendant plusieurs nuits. Après, le cheikh dit thumma ta'akhkhara an as-salati bihim khawfan min an tufrad 'alayhim kama thabata fi as-sahihayn 'an 'Aisha radiyallahu 'anha anna an-nabiyya sallallahu 'alayhi wa sallam salla fi al-masjid dhata laylah wa salla bi salatihi nasun thumma salla min al-qabilah wa kathura an-nas thumma ijtama'u من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. Donc comme le cheikh explique ici, il dit que c'était légiféré au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prié le tarawih durant sa vie avec les sahaba, mais par la suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant plusieurs nuits il est sorti, mais par la suite il y a une nuit où il a retardé, c'est à dire il n'est pas sorti, et il n'est pas sorti pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que ça devienne obligatoire pour les gens, hein, parce que si les gens commençaient à le faire, ils craignaient que Allah subhanahu wa ta'ala allait faire descendre ou révéler un verset qui rend ça obligatoire pour les musulmans, et ça allait être quelque chose de lourd pour eux et trop difficile de le faire obligatoirement. Alors il a cessé de le faire, et ça c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim selon Aisha radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une fois dans une nuit, il était dans la mosquée et il a prié avec les gens. Et la nuit d'après, il a prié également. Et il y avait plus de monde encore. Puis ils se sont réunis encore une fois dans la troisième nuit ou dans la quatrième nuit. Hein, donc à chaque nuit, ils étaient de plus en plus nombreux. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la quatrième nuit, il n'est pas sorti. Hein. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Les gens se sont réunis dans la mosquée et puis attendaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sorte, mais il n'est pas sorti. Alors le matin, lors de la prière de Subh, il est sorti et il a dit: « J'ai vu ce que vous avez fait hier soir. Et il n'y a rien qui m'empêchait de sortir, excepté que je craignais que ça devienne obligatoire pour vous. » Donc, par crainte pour sa umma, que quelque chose leur soit ordonné alors que c'est très lourd pour eux, eh bien il n'est pas sorti. Également c'est rapporté dans une autre narration selon Al-Bukhari, c'est-à-dire ça c'est durant le mois de Ramadan que ça s'est produit. Wa fa'alaha sahabatuhu ba'dahu wa talaqqatha ummatuhu bil qabul. Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il dit que les sahaba, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont continué à le faire. Et donc, la umma l'a accepté d'une façon positive. Et alhamdulillah, ça c'est rapporté par le Bukhari et le Muslim, comme j'ai dit. Et c'est quelque chose qui est connu donc dans la sunnah. C'est pas une bid'a hasana comme prétendent certains parmi les innovateurs, qui aiment ajouter des choses qui ne font pas partie de l'islam dans leurs pratiques et dans leurs croyances et dans leurs enseignements pour égarer les gens de la sunnah. Donc le cheikh il dit, وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. Donc يعني le cheikh il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que la personne qui reste derrière l'imam yani durant la prière de Tarawih jusqu'à ce que l'imam termine, eh ben il aura la récompense comme si ce sera écrit comme s'il a prié toute la nuit en entier. C'est-à-dire celui qui reste dans le Tarawih jusqu'à la fin, lorsque l'imam termine et qu'il s'en aille, eh ben celui-là il a la récompense comme s'il a prié la nuit entière, même s'il n'a pas prié la nuit entière. Et ça c'est rapporté selon Abi Dharr par Abu Daoud, Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah. وقال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. الشيخ il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui reste qui établit les prières durant le Ramadan يعني par foi et par واحتسابا, c'est-à-dire il a la foi et il espère en la récompense d'Allah سبحانه وتعالى pour faire ça, en faisant ça, eh bien celui-là, tous ses péchés qu'il a faits auparavant seront effacés. Et bien entendu, comme on dit, c'est les péchés mineurs, pas les péchés majeurs. C'est seulement les petits péchés qui sont effacés par ça. Et bien sûr, pour les grands péchés, il faut faire tawba. Wallahu a'lam. Et le cheikh, il dit, « Wa hiya sunna thabitatun » لا ينبغي للمسلم تركها. Et c'est une sunna qui est établie et il ne faut pas que le musulman l'abandonne. أما عدد ركعاتها فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم والأمر في ذلك واسع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له أن يصلي 20 ركعة كما هو مشهور من مذهب أحمد والشافعي وله أن يصلي 36 كما هو مذهب مالك وله أن يصلي 11 ركعة و13 ركعة كل حسن فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره. Donc ici, le cheikh il mentionne sa position à ce sujet, au sujet du nombre des rak'at qu'on a le droit de faire dans la prière de Tarawih. Et bien entendu, il y a divergence à ce sujet-là. Et lui, le cheikh, il supporte l'opinion qu'il n'y a pas de nombre spécifique. Quelqu'un peut faire le nombre qu'il veut. D'accord? Bien sûr, Cheikh Al-Albani, yani rahimahullah, il a mentionné un hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait la nuit, il ne faisait jamais plus que 11 raka'ah. Hein? Et ça, c'est rapporté par Aisha radiallahu anha, si je ne me trompe pas. Et donc, yani, bien entendu, la sunnah, c'est toujours ce qui est meilleur à faire. Et dans le hadith, si je ne me trompe pas, ça mentionnait que, yani, que ce soit, il ne faisait jamais plus que 11 raka'at dans le Ramadan, comme à l'extérieur, en dehors du Ramadan. C'est-à-dire, c'était toujours sa façon de faire. Il n'augmentait jamais plus que 11. Donc, avec ce hadith, ça clarifie que, yani, de faire 11, c'est plus proche, yani, c'est-à-dire, c'est ça la sunnah, et c'est ça qui est le plus correct. Toutefois, certains ulama ont, disons, permis de faire plus. Et le cheikh il dit que, par exemple, Ibn Taymiyyah il mentionne ici quelque chose, ça c'est tiré de son livre Al-Ikhbar al-Ilmiya min al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyya. Et donc il mentionne cette citation là avec quelques petits ajustements qu'il a fait. Il dit Lahu an yusalli 20 rak'atan kama huwa mashhurun 'inda madhhab Ahmad al-Shafi'i. Comme on a dit, il dit le cheikh il peut prier 20 rak'at comme c'est qu'est-ce qui est très célèbre ou très populaire à partir du madhhab ou selon le madhhab de l'imam Ahmad et al-Shafi'i, et il peut également prier 36 hein, comme c'est le madhhab de l'imam Malik, et il peut également faire comme prière 11 rak'at ou bien 13 rak'at et tout ça, il dit, et tout ça c'est bon. Et donc le fait d'augmenter les rak'at ou de les diminuer, ben tout dépend de la longueur du qiyam et de la ou bien du fait que, c'est-à-dire si tu le fais long ou court. C'est-à-dire si tu restes longtemps dans le qiyam ou si tu restes pas longtemps dans le qiyam, c'est-à-dire à réciter dans le Coran, eh ben ça va varier par rapport au nombre de rak'at que tu fais. C'est ça que le cheikh explique. Et il dit, Ibn Taymiyyah continue encore, il dit, wa Omar radiyallahu anhu lamma jama'a an-nas ala Ubay salla bihim 20 rak'atan was-sahaba minhum wa man yuqil wa minhum man yukthir. Donc le cheikh il dit que Omar radiyallahu anhu, quand il a fait mis les gens derrière Ubay, il a prié, il dit qu'il a prié 20 rak'at avec les sahaba, et il n'y a personne parmi eux. Non, il dit que parmi eux, il y en a qui ont fait plus et d'autres qui ont fait moins. Et donc, il n'y a pas de limite qui peut limiter ça. Il n'y a pas de texte qui peut limiter le nombre. Al-had al-mahdoud la nas alayhi min al-shari'a. C'est ça. Il dit qu'il n'y a pas de texte de la part du Coran ou de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient pour mettre une limite à ce nombre. Et ensuite il continue, il dit wa kathirun min al-a'imma ay a'immatul masajid fi at-tarawih yusalluna salatan la ya'qilunaha wa la yatma'innuna fi ar-ruku'i wa la fi as-sujud wa at-tama'nina ruknun والمطلوب في صلاة حضور القلب بين يدي الله واتعاظه بكلام الله حين يتلى وهذا لا يحصل في العجلة في العجلة المكروهة وصلاة 10 ركعات مع طول القراءة والطمأنينة أولى من 20 ركعة مع العجلة المكروهة. Donc ici il explique un point très intéressant. En fait, c'est que beaucoup d'imams des mosquées, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le tarawih et ils prient une prière sans réfléchir, sans se concentrer. Ils n'ont pas de paix ni de sérénité dans leur recours, dans leur sujoud. Ils prient comme à une vitesse folle. Ils n'ont aucune sérénité. Et comme on a déjà appris que l'at-tama'nina, la sérénité et la paix dans la prière, c'est une condition. Et non seulement une condition, c'est un rukn, c'est un pilier de la prière. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut rechercher. Et donc, il faut avoir dans notre prière une présence de cœur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut être capable de, disons, prendre des exhortations de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque le Coran est récité. Et donc, ça peut pas arriver si on est pressé. Si on prie comme si on est en train de faire la course, eh ben c'est impossible justement d'atteindre ce niveau-là de concentration. Et ça, c'est ce qui se passe malheureusement. Et donc, tu vois, il y a des endroits où les imams insistent à faire 21 rak'at et ils prient comme s'ils font la course et ils récitent le Coran sans même prendre le temps de bien prononcer parfois les lettres. Ils récitent ça comme une folie, comme si le but c'était pas de, comme si c'était pas de réfléchir et de méditer sur les sens et de se concentrer, mais c'était plutôt juste, le but c'est de terminer, arriver à la fin, de faire 17 hizb comme on dit, de faire les 60 hizb ou bien de faire les 30 juz. Donc leur but c'est ça, c'est de finir le Coran à la fin du Ramadan de par tous les moyens, même si il faut aller à la course dans le tarawih. Toutefois, le cheikh il dit, Ibn Taymiyyah, que si tu fais 10 rak'ah avec une longue récitation et une présence de cœur et une paix, il dit que ça c'est beaucoup mieux que de faire 20 rak'ah avec, disons, de la hâte et de les faire rapidement, d'une façon qui est détestable. Et donc le cheikh il dit, لأن لب الصلاة وروحها هو إقبال القلب على الله ورب قليل خير من كثير. Il dit que le centre et le cœur de la prière, c'est quoi? Le centre de la prière est le plus important dans la prière. Et l'esprit dans la prière, c'est quoi? C'est de se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala avec notre cœur. Et parfois, c'est un peu qui est meilleur que beaucoup. C'est pas la quantité en fait qui est important vraiment, mais plutôt la qualité, comme on dit, hein. C'est la qualité de notre prière qui fait la différence. Et c'est arrivé, Yanni, il y avait quelqu'un qui est allé prier dans une prière, dans une mosquée où les gens priaient 21 rakats. Et Yanni, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont arrangés. Ils ont dit bon, aujourd'hui on va aller. Le jour d'avant, ils étaient allés dans une mosquée où on prie 11 rakats. Ils ont fait comme une sorte d'échange. Parce que c'était un musulman, un frère musulman qui est d'origine turque. Hein? Donc il dit, nous, dans nos mosquées, c'est mieux, on fait 21 rakats. Alors l'autre frère lui a dit, d'accord, viens à notre mosquée, on va te montrer comment on fait le tarawih. Et c'était selon la sunna, c'est-à-dire ils faisaient 11 rakats et ils prenaient leur temps pour réciter comme il faut le Coran, et avec une méditation, puis une longue récitation, puis un recours qui est assez long et un sujoud qui est assez long. Hein, il n'y a pas de hâte, il n'y a pas de course. On prend son temps. Alors, Yanni, c'est ce qui est arrivé. Ils sont partis là-bas et, bien entendu, le frère qui était de la Turquie, il n'a pas aimé tellement le tarawih parce qu'il a trouvé que c'était trop long et trop fatigant, malheureusement, parce qu'il était là, il avait l'habitude de le faire 21, mais 21 qui passe comme une fraction de, c'est-à-dire ça passe tellement vite qu'ils réussissent à terminer les 21 rakats avant que les autres aient terminé les 10 rakats, yani, mais disons qu'ils les font tellement rapidement qu'ils dépassent même les 10 rakats qui se font dans l'autre mosquée. Donc, lorsque le lendemain, l'autre frère est allé dans la mosquée du frère turc, eh bien, Allah al-Musta'an, il a dit qu'il n'avait même pas le temps de prononcer les adhkars et de prononcer les dhikrs qui sont entre chaque mouvement, tellement l'imam allait rapidement. C'est juste pour dire qu'il faisait les mouvements et la récitation était tellement rapide. Donc, il n'y avait pas du tout le temps de se concentrer dans rien du tout de cette prière-là. C'était d'un mouvement à l'autre, sans arrêt, sans concentration, sans méditation. Et donc, c'est ça qui est un peu triste. Et donc, ça nous montre l'importance, non pas de chercher à vouloir faire une quantité plus grande, mais de faire une qualité et de se concentrer bien dans le peu qu'on fait. Hein? Et donc après le cheikh dit وكذلك ترتيل القراءة أفضل من السرعة والسرعة المباحة هي التي لا يحصل معها إسقاط شيء من الحروف فإن أسقط بعض الحروف لأجل السرعة لم يجوز ذلك وينهى عنه. Donc le cheikh il dit que il faut également bien réciter le Coran. Et le mieux, c'est de ne pas se presser. Parce que quand tu te presses, quand tu te dépêches, eh ben, Yanni, le cheikh, il dit que c'est permis seulement si tu ne fais pas tomber certaines lettres, dans le sens que tu manges pas certaines lettres en récitant tellement que tu récites vite. Si tu manges pas des lettres en récitant à cause de la vitesse, eh ben, Yanni, dans ce cas-là, c'est correct. Toutefois, si tu récites tellement vite que tu fais tomber des lettres, et tu passes par-dessus des lettres, ben dans ce cas-là, yani, c'est pas permis et c'est quelque chose qui doit être interdit. أما إذا قرأ قراءة بينة ينتفع بها المصلون خلفه فحسن. Il dit, mais si tu lis une lecture qui est claire et les gens qui sont derrière toi vont pouvoir en bénéficier, et ben dans ce cas-là, c'est quelque chose de bien. Et ça, c'est ça ce qu'on voit dans le tarawih. Les gens, ils lisent trop vite parfois. Et le but, c'est juste comme terminer le plus vite possible. Après, le cheikh, il dit, وقد ذم الله الذين يقرؤون القرآن بلا فهم معناه فقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي تلاوة بلا فهم. Donc c'est-à-dire que يعني الله سبحانه وتعالى il a blâmé dans le Coran les gens qui lisent le Coran sans compréhension, c'est-à-dire ils lisent sans réfléchir et sans comprendre. Le verset, c'est le verset 78 dans Sourate Al-Baqarah, et parmi eux il y a des gens qui sont oumis, c'est-à-dire ils ne savent ni lire ni écrire, et ils ne connaissent pas le livre, excepté, ils connaissent le livre, mais sans aucune compréhension. Et ça, c'est le cas de beaucoup parmi les soi-disant huffaz. Il y a des gens qui font venir certains imams de différents pays, ils sont huffaz Coran, ils savent le Coran en entier. Toutefois, ils n'ont pas de femme, ils n'ont pas de fahm, ils n'ont pas de compréhension, ils n'ont pas de fiqh, et ils sont ignorants de la sunna, et ils font un paquet de bid'ah parfois. Donc c'est pour ça, que c'est dommage. Et parfois même tu les vois qui se rasent la barbe, et qui font des péchés, comme par exemple fumer la cigarette et des trucs comme ça. Donc ça, c'est des contradictions bien sûr avec des gens qui par exemple ont mémorisé le Coran sans avoir de compréhension. Et ça, bien sûr, c'est une caractéristique des juifs, comme c'est décrit dans ce verset là de 78 dans Sourate Al-Baqarah. Ensuite, le cheikh dit: wal murad min inzal al-Qur'an fahm ma'anihi wal 'amal bihi wa la mujarrad at-tilawa. Intaha kalamuhu rahimahullah. Donc ça, c'est la fin de la citation de Ibn Taymiyyah. Dans ces paroles là, il dit que le but de pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran, c'est pour qu'on comprenne sa signification et pour qu'on l'applique, et non pas seulement pour le réciter pour la baraka, comme par exemple certains musulmans, ils connaissent le Coran par cœur, ils le récitent juste pour la baraka, juste pour les hasanat, d'avoir des hasanat quand tu lis les lettres, pas pour comprendre qu'est-ce qui est écrit dedans et pour le suivre comme étant un mode de vie et une loi, et un système ou une législation que Allah nous a ordonné de suivre, et une guidance et une lumière pour les êtres humains, et une guérison pour les cœurs. Et donc c'est pour ça qu'on voit que aujourd'hui les gens, parfois même le Coran s'est pris comme une décoration qu'on met dans les murs, sur les murs ou bien dans les étagères, pour embellir les bibliothèques. Mais malheureusement, on le lit pas, on le lit peut-être juste pour lorsqu'il y a quelqu'un qui meurt, c'est la coutume actuellement que les gens prennent le Coran pour le lire juste quand il y a quelqu'un qui meurt. Sinon, à part ça, on le laisse de côté. Allah musta'an. Le Cheikh dit: wa ba'du a'immat al-masajid la yusalluna at-tarawih 'ala al-wajh al-mashru' li'annahum yusri'una fi al-qira'ati sur'atan tukhillu bi ada'i al-Qur'ani 'ala al-wajh as-sahih wa la yatma'innuna fi al-qiyami war-ruku'i was-sujud wa tama'ninatu ruknun min arkan as-salah wa ya'khuduna bil-'adad al-aqall min ar-rak'at فيجمعون بين تقليل الركعات وتخفيف الصلاة وإساءة القراءة وهذا تلاعب بالعبادة فيجب عليهم أن يتقوا الله ويحسنوا صلاتهم ولا يحرموا أنفسهم ومن خلفهم من أداء التراويح على الوجه المشروع ووفق الله الجميع لما فيه الصلاح والفلاح. Donc, le cheikh explique ici que certains imams, en fait, ils répètent exactement les paroles d'Ibn Taymiyyah, mot pour mot presque. Ils mentionnent toutes les choses qu'on a mentionnées dans ces paroles, du fait qu'il y a certains qui prient d'une façon, qui n'est pas correcte, ils prient trop rapidement, ils ne récitent pas comme il faut, ils ne prennent pas le temps de se concentrer dans le recours, dans le sujoud, etc. Et il y en a même qui font moins de nombre, un petit nombre de rak'at, et en même temps, ils lisent pas correctement, puis donc c'est comme s'ils s'amusent, ils font un jeu avec l'adoration, et ça c'est quelque chose de dangereux. Et donc il dit que c'est obligatoire pour nous donc de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de bien parfaire notre prière, et de ne pas nous priver nous-mêmes ainsi que ceux qui prient derrière nous de faire un tarawih qui est selon les règles de la sharia, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à tous as-salah wal-falah, c'est-à-dire le succès et la disons le bien. Et donc après, il mentionne d'autres exemples. Il mentionne dans les notes de page, il mentionne d'autres exemples. Il dit نعم il dit وبعض أئمة المساجد يسرع في القراءة ويطيلها من أجل أن يختم القرآن في أول العشر الأواخر أو وسطها، فإذا ختمه ترك مسجده وسافر للعمرة وخلف مكانه من قد لا يصلح للإمامة وهذا خطأ عظيم ونقص كبير وتضيع لما وكل إليه من القيام بإمامة المصلين إلى آخر الشهر. نعم. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a certaines personnes qui ils se dépêchent à lire et ils font des longues prières juste pour pouvoir terminer le Coran en entier dans les 20 premiers jours. Et quand c'est les 10 derniers jours qui arrivent, ils abandonnent leur place d'imam dans la mosquée puis ils vont partir pour faire le Umrah. Et pendant ce temps-là, ils laissent leur place à quelqu'un d'autre qui parfois n'est pas correct comme pour être un imam. Et il dit que ça c'est une grave erreur et que c'est une chose qui est un grand manquement. Et donc, après qu'est-ce qu'il dit? Wal-umra mustahabba. Donc, il dit que l'umra c'est mustahab, c'est pas obligatoire. وقيامه بذلك واجب عليه. Tandis que d'être imam et de remplir son devoir en tant qu'imam, c'est obligatoire pour lui, tandis que l'umra c'est seulement recommandé. Donc, dans ce sens-là, il dit qu'il ne doit pas abandonner quelque chose qui est obligatoire pour quelque chose qui est recommandé. وبعضهم إذا ختم القرآن خفف الصلاة وقلل القراءة وفي بقية الليالي أو ليالي الشهر التي هي ليالي الاعتاق من النار وكأن هؤلاء يرون أن المقصود من التراويح والتهجد هو ختم القرآن. Il dit qu'il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont continuer à faire la prière normale dans le tarawih, c'est-à-dire ils la font de longueur normale jusqu'à ce qu'ils terminent le Coran. Et s'ils ont terminé le Coran avant la fin du Ramadan, eh ben après ils commencent à faire des prières courtes. Hein, ils les font, ils les diminuent comme si pour les alléger, comme si le but du tarawih c'était juste de terminer le Coran. Et il dit que ça c'est une erreur. En fait, c'est pas nécessaire même de compléter le Coran en entier. Hein. C'est pas ça le but non plus. Yani, on peut faire le mois de Ramadan et réciter ce qu'on connaît du Coran, même si on n'est pas hafiz du Coran en entier, même si on le lit pas au complet non plus. Yani, l'important c'est pas du tout ça. Hein. Si on fait le mois entier sur les 5 premières sourates dans le Coran ou les 6 premières sourates, et qu'on les récite comme il faut et on prend notre temps, yani ça, yani mashallah, c'est déjà quelque chose de bien. Sinon, bien, yani c'est pas une obligation de terminer le Coran en entier. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et puis on continuera demain inshallah. Demain notre sujet sera bismillah As-Sunan al-Ratiba ma'al Fara'id, c'est-à-dire les prières de Sunna qui sont avant et après chaque prière obligatoire et le nombre, et etc. Et quand est-ce qu'il faut les faire, et etc. Donc c'est de ça qu'on va parler demain, Inch'Allah. Et peut-être même on aura le temps de faire Ad-Duha, la prière de Duha. Donc on va s'arrêter ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.